Monsieur. Bonjour, monsieur. On peut vous prendre un peu de votre temps? Non, c'est... Il y a un délégué. Ah ouais, mais... Il est au téléphone là. Okay. Et on peut pas poser quelques questions? Non. C'est Radio non. Campus. Non. Ok. Vous n'avez pas le temps? Bah non, je ne peux rien dire, moi je ne suis pas délégué syndical. Ah. Comment vous appelez-vous? De Coster Fabien. Pourquoi vous faites grève? C'est dû en partie à la surpopulation carcérale et également à l'arrivée du détenu Farid Bamouhamad. Détenu réputé dangereux, difficile, et on n'est pas adapté pour pouvoir l'accueillir correctement. Est-ce que vous passez beaucoup de temps dans les prisons? Oui, c'est mon métier, 8 heures par jour, hein. 36 heures semaine. Est-ce que en dehors de la prison, avez-vous le temps de penser à vous? Oui, heureusement, hein. Je ne vis pas que pour mon métier. Vous vous sentez libre quand vous faites d'autres activités? Oui, tout à fait. Tant que j'évite certains coins de la Belgique, hein, comme le quartier Nord à Bruxelles ou la ville basse à Charleroi. Pourquoi? Parce que ce sont des quartiers réputés dangereux, fréquentés par d'ex-détenus. Pour vous, la liberté, c'est un droit ou un acquis? C'est un droit. Pourquoi? Parce que tous les hommes naissent égaux devant la loi. Mais s'ils naissent égaux, c'est un acquis alors? C'est une bonne question. C'est un acquis, mais c'est également c'est un droit. C'est une question philosophique. Hein. Vous me posez ça alors que je suis sur un piquet de grève. Je suis désolé, mais je ne sais pas trop quoi répondre non plus. Et en un mot, comment définissez-vous votre liberté? Je fais ce que je veux, quand je veux, en respectant les lois. Donc pour vous, les lois et les limites qu'on nous applique font partie de notre liberté? De notre liberté, de la démocratie. Excusez-moi, vous faites quoi en fait ici? C'est quoi votre boulot? Je suis agent pénitentiaire. Je surveille, j'écoute, j'aide, je soutiens psychologiquement, j'accompagne. Voilà. Donc c'est pas que surveiller, donc il y a, non, y a il des faut... échanges qui se font. Oui, tout à fait. Des échanges humains, hein, c'est obligatoire. Ouais. Et vous avez parlé d'un détenu? Oui, qui s'appelle Farid Bamouhamad, surnommé Farid le Fou. Et vous pensez que si c'est pas possible de le prendre en charge? C'est pas possible, on va devoir le prendre en charge, donc on va faire avec. Mais c'est un détenu très très difficile à gérer, qui demande d'énormes moyens personnels au niveau du cadre de sa détention. Et comment ça se passe par exemple pour un détenu compliqué comme lui? Bah, ce sont des mesures qu'on appelle des mesures de sécurité particulière. Donc il est vraiment isolé des autres détenus et ça demande un accompagnement individuel à chaque fois. Et il y a un temps pour lui à l'extérieur ou il est dans sa cellule? Le temps à l'extérieur serait le minimum légal, c'est une heure par jour, de préau à l'air libre. Seul? Seul. Et donc ça demande des gens qui prennent le temps de le surveiller aussi, c'est ça? Oui, quand il est seul, alors que les autres vont ensemble. Hein, donc c'est en dehors du temps des autres. C'est une surcharge de travail en plus. Et tout le monde est d'accord avec ça? Tout le monde est d'accord avec ça. Ouais. Vous pouvez aller leur demander, mais personne ne vous parlera parce que pour parler à la presse, il faut avoir le statut de délégué syndical. Ah oui, ils veulent pas répondre alors? Ils répondront pas, c'est interdit. C'est interdit par la loi ou c'est interdit par c'est interdit le règlement d'ordre intérieur ou règlement par l'administration pénitentiaire, le ministère de la Justice, enfin le SPF Justice. Et l'administration ici est d'accord avec le fait que vous faites grève? Non, l'administration n'est jamais d'accord avec un mouvement de grève, hein, non. Mais on le prend quand même. Bon, faut savoir qu'ici, on perd de l'argent, vraiment. Hein. Vous n'êtes pas payé? On n'est pas payé du tout. Allez, on peut essayer de leur poser une question? Vous pouvez essayer. On essaye de leur poser une question? Vas-y. Bah ouais, c'est ça qui est rigolo. Hein. Mais ils vous répondront pas, mais vous pouvez essayer. On peut essayer? Ouais, moi, ça ils prendront pas le temps? Non, ils le feront pas parce que ils ça peuvent pas. Interdit. Ouais. On en a déjà demandé. Est-ce que vous avez 5 minutes à nous consacrer? Je ne peux pas trop pour la raison pour laquelle que si je dois passer à la télévision ou quoi que ce soit, bon, moi le problème c'est que bon, je travaille pour le chemin de terre et si on voit que je parle de trop, je pourrais avoir des représailles. C'est pas que je ne veux pas, je serai en civil. Honnêtement, je serai en civil, je veux bien. Ouais. Mais si comme je suis en habit de travail, j'ai toujours peur qu'il y aurait soit un des chefs gardes ou quoi que ce soit qui passe en voiture. Bon, déjà ici, je regarde déjà pour me voir si je le vois passer. Oui. Donc vous avez peur des représailles, si j'ai bien compris. D'une représaille, bien entendu, pour la raison pour laquelle, bon, je suis en service, ça c'est une chose. Deuxièmement, bon, j'ai des heures pour moi pouvoir manger, boire un café, d'accord, mais je ne peux pas en profiter non plus, quoi. Ouais. Maintenant, si on me voit parler de trop, aussi bien sur les quais, quand je fais les quais, ou bien en dehors des quais, ici, je dois faire le tour de la gare, bien entendu, où est-ce qu'il y a les motos, bien sûr, où est-ce qu'il y a les vélos ici, puis aussi. Et bon, si jamais on me voit de trop à parler, ben bon, je vais être appelé à mon chef, bien entendu, il va me demander, bien sûr, des consignes pour quelle raison je parlais, quoi. Ouais, ça fait qu'alors, bon, c'est ce que je... Mais si jamais vous avez un souci, vous dites que c'est Radio Campus. Hein. Ça va bien, j'y manquerai pas. Ça va, merci. Merci, hein. Vous appelez comment? Marc. Marc, merci Marc. De rien. Allez, passez une bonne journée. Merci.